a passé une vingtaine d'années en Abitibi, c'est exact? Oui. Est-ce qu'il revenait pour des fêtes de temps en temps, des occasions? Oui. Dans cette période où il était en Abitibi, il enseignait, est-ce que c'est à votre connaissance? Il était prof? Oui, avant son congé d'hiver, il enseignait. Il y a eu son quoi? Congédiement. OK. Alors, il a été congédié, c'est oui, ça? Oui. Alors, vous étiez au courant de ça, qu'il avait été congédié. Vous êtes au courant aussi que dans cette même période-là, avant qu'il revienne ici, qu'il avait eu un divorce, qu'il avait subi un divorce, n'est-ce pas? Je ne suis pas certain. Divorce, séparation, mais je sais qu'ils se sont séparés. Et vous saviez donc, quand il est revenu ici, que c'était un monsieur qui avait été fortement éprouvé, premièrement, comme vous dites, congédié après 20 ans d'emploi, et aussi séparation ou divorce avec sa femme ou conjoint. C'est exact. Il était poqué. Exactement. C'est ça qu'on a essayé de l'aider. Et son but, à lui, on s'entend, c'était de se rapprocher de sa mère, n'est-ce pas? Il est arrivé, là, puis il était très exigeant, n'est-ce pas? Il voulait se rapprocher de sa mère. Je peux pas le dire. Non, je sais pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il cherchait à obtenir de l'aide d'un peu vous tous là, pour son état un peu désespéré maintenant? Possiblement. Je peux pas dire possiblement. Vous n'aviez pas ce feeling-là? Possiblement. Possiblement. Alors, c'est... On a essayé de l'aider. Je l'ai invité à plusieurs reprises. Il est venu à la maison, il est venu au camping. Justement, pour essayer de l'aider, il y a eu quand même une bonne période là, où ça allait mieux, puis qu'on a essayé de l'aider. Et pour lui, pour ma mère en même temps. OK. Qui trouvait la situation difficile. Elle est décédée quand, maintenant? Elle est décédée au mois de décembre 2012, le 7 décembre. Le 7 décembre 2012? Oui. OK. Alors, c'est exact que, dans le fond, vous avez trouvé la position où, comme vous venez de dire, c'était plus pour votre mère que vous vouliez faire cesser un peu les conflits qu'il peut y avoir. Pour ma mère, effectivement, pour lui aussi. On l'a invité, comme je disais, à la maison, au camping. On l'a invité aux pommes. On est allé aux pommes avec la famille. Je me rappelle de l'avoir appelé, de dire, viens-tu aux pommes avec sa conjointe de l'époque. J'ai essayé de l'aider parce que je savais que c'était pas facile ce qu'il vivait, effectivement. Okay. Ce qu'il avait vécu. Et je comprends qu'à un moment donné, il commence, selon vous ou des membres de la fratrie, à être trop envahissant ou trop demandant pour votre mère. C'est exact? Pouvez-vous préciser la question? Ben, est-ce que vous ne trouvez pas à un moment donné qu'il devient trop exigeant face à votre mère, trop demandant? Je trouvais que ma mère subissait, comme je disais tantôt, des harcèlements psychologiques. Je trouvais ça difficile. OK. Et le harcèlement psychologique est en quoi? Dû au fait que il y avait des problèmes entre les frères. C'était quoi, le harcèlement psychologique? C'était qu'il appelait ma mère. Ma mère voulait le laisser parce qu'elle était épuisée. Puis c'est Pierre, ça a tout été le genre, quand il y a un sujet, il y a la barre, puis il lâche pas. Puis ma mère était épuisée, elle demandait de lâcher jusqu'au point que ce que j'ai entendu, elle ne me l'a pas dit personnellement, elle l'a dit une de mes sœurs qui me l'a répété à la fin de la conversation, où ma mère qui a pris le téléphone, qui l'a tiré dans le salon complètement épuisée, à bout de nerfs. OK. Et tout ça tournait, j'imagine, autour de l'épisode du 9-1-1. C'est de ça dont on parle, là? Je ne sais pas si la fois où ma mère a tiré le téléphone dans le sens, c'était avant ou après le 9-1-1, mais je me rappelle de l'épisode du 9-1-1, effectivement. De façon générale, vous déclariez... Clément, oui. Vous savez, je sais que vous êtes en contre-interrogatoire, là, mais je l'ai le portrait, là, vous ne pensez pas? C'est parce que monsieur est accusé d'une menace le 14 avril, une menace dont on a textuellement la teneur. Oui. Je vous laisse aller, là, mais... Je comprends ce que vous me dites, puis ce jeu, j'ai... Et je comprends, et je veux dire, votre consoeur a établi le contexte, vous l'avez raffiné ou peaufiné. Là, maintenant, je vous laisse aller, là, mais là, je m'interroge sur la pertinence là, de ce qui... Moi, je vais vous le dire immédiatement, même si... À moins là, que vous ayez, là... qu'il y ait un coup de théâtre quant à la défense à être présenté, là, mais... Non, mon théâtre, il est fait pas mal. Là, j'en ai peut-être pas 5 minutes. Non, c'est pas une question de temps, là. C'est vraiment une question de... De pertinence. Oui. Alors là-dessus, si vous me posez la question, oui. Je vais y répondre très clairement. C'est pas compliqué. Les supposées menaces sont faites à monsieur. Attendez une seconde. Je vais vous demander d'attendre à l'extérieur. OK. On va vous rappeler, ça ne sera pas bien. Merci. Les supposées menaces sont faites à Alain, qui va au témoin, Alain Pelletier, qui va après ça porter plainte à la police en disant que le père a peur pour lui et sa famille et tout ça. Ben, après avoir pris connaissance de l'email. Oui, c'est ça. Effectivement. Mais qu'il a peur. Oui. Alors, moi, je vous montre et j'essaie d'établir que ce monsieur-là connaît très bien son frère, qui en a jamais eu peur. Et quoi? Il a utilisé cet incident justement pour se débarrasser de son frère, en quelque part, dans le cadre. Ça, j'ai compris votre théorie. Là. Ça, je pense que je l'ai deviné dès le début. Sauf que ce qu'il va falloir que je décide, là, c'est si les paroles ou les mots écrits. Visait à être intimidé ou à être pris au sérieux. C'est ça qu'il va falloir que je décide. Ah, effectivement, alors, l'arrêt O'Brien, l'arrêt non. McRae, l'arrêt Clemente, l'arrêt McRaw. Exact. Alors, je comprends le fait que, je comprends la dynamique et tout ça, mais je pense que c'est à un autre niveau qu'on va sur lequel on va échanger plus tard. Là. Oui, M. le juge, mais je vais vous dire, je ne vous dis pas que vous avez qu'il peur. Qu'il a eu peut-être moins peur que lui le prétend, peut-être, là, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'il va falloir... En jurisprudence, la réaction de la présumée victime est importante. Et oui. En quelque part, ça, j'ai attaqué déjà sa crédibilité, je pense qu'on voit où on est rendu. Bien, ça, c'est votre opinion, mais je veux dire, ce que vous avez fait, c'est que vous avez établi le contexte, ça, je me rends votre opinion. Mais sur ce qui s'en vient, là, tu sais, par rapport à. Tu sais, vous voulez questionner sur un autre épisode par rapport à la mère et l'appel 911, etc. Je veux dire, c'est un point qui est établi, là. Mais je me questionne sur la pertinence de ce qui va suivre. Là. Mais il n'est pas établi, cependant, clairement, quant à moi encore, que monsieur, que le témoin a intérêt et cherche à se débarrasser de mon client. Et moi, je vous le dis. Non, mais que ça soit le cas ou pas, je veux dire, il y a une menace, il y a des propos qui ont été écrits. Oui. D'accord? Alors, oui. C'est là-dessus qu'il va falloir que je décide. OK. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, la jurisprudence dit... Je vous donne un exemple. Là. Mettons que M. Pelletier était venu dans la boîte et avait dit, écoutez, dans le fond, je le connais, mon frère. Puis je sais que souvent, il est émotif, puis souvent, il dit des choses qui dépassent sa pensée. Oui. On est d'accord que ça est pris en considération beaucoup par la jurisprudence. J'essayais de l'amener là un petit peu, essayer de démontrer à la cour qu'il savait à qui il avait affaire, ce monsieur-là. Puis jamais, jamais, jamais, il a pensé que mon client irait violer ses... Oui, ça, c'est pas un critère, ça. Ah non, au contraire, c'est de mettre à exécution les menaces? Non, c'est pas de ça dont je vous parle. Non, mais c'est ça. Alors, le fait qu'il pense qu'il était pour les mettre à exécution ou pas, c'est pas nécessairement le critère. Le critère, c'est est-ce que les propos visaient à intimider ou à être pris au sérieux sciemment. À un certain degré? Sciemment, knowingly en jurisprudence. Je sais ce que vous me dites, dans le fond. Vous me dites que je suis après attaquer la crédibilité du témoin que ça n'a pas vraiment à faire là-dedans. Puis, je suis un peu d'accord aussi. Ça a à faire. Oui, mais je comprends ce que... Mais vous comprenez pourquoi je vous dis que là où on s'en va, là, parce que là, je depuis tantôt qu'on tourne alentour d'un appel 911, là, pourquoi on va jusque-là? Parce que je vais en venir à démontrer à la cour... que quand monsieur dit qu'il a eu très, très peur, lui et sa femme, très, très peur, il ne dit pas l'entière vérité. C'est juste ça. Mais puis je suis d'accord avec vous que j'en ai peut-être pas vraiment très besoin dans mon procès. D'accord avec vous. Mais... On va rappeler le témoin. Oui, puis je vais pas poser ma question. On demande M. Alain Pelletier, RC 06. Alors, Pelletier, vous témoignez sous le même serment de vérité. Oui. Alors, M. Pelletier, brièvement, vous avez évidemment fourni une déclaration aux policiers enquêteurs à propos de cette affaire de menace, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous vous souvenez que je pourrais vous la montrer avec les livres? Pas besoin. Avoir déclaré aux policiers, je crois vraiment que mon frère Pierre a des troubles mentaux importants. Oui. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Oui. Et qu'il devrait accepter de se faire soigner. Oui. Je lui en ai parlé, ainsi que plusieurs de mes frères et sœurs, à plusieurs reprises dans le passé. Oui. Merci, M. le juge. D'autres questions, Mike? Non, c'est terminé. Merci. Vous alors, merci, monsieur. Merci. Après, avec l'autre. Monsieur Pelletier. Bien. Témoin pour la poursuite, monsieur le juge, mon client. Pour la poursuite, excusez, avocat. Parce que. 30 ans plus tard. Je ne savais pas qu'il a déjà été détesté. Oui, j'ai su. Ah, j'ai dit. Alors, je vais lui poser la main. C'est la première fois que ça vous arrive, ça, Mike? En fait, au tout début, ça m'arrivait, mais là, ça commence à faire longtemps, hein? 40 ans plus tard, ou je ne sais pas trop quoi, là. C'est bon. Évangile, je vous souhaite toute la vérité et la liberté de Dieu. Je jure. Votre nom? Pierre Pelletier. Votre adresse? 6495 Hochelaga, appartement 34, le code postal. À quel endroit? À Montréal. Ça va pour le code postal. Votre date de naissance? 29 mars 1952. Merci. Monsieur Pelletier, vous avez envoyé un courriel ou des courriels à votre frère Alain. Donc, les questions ici. Pouvez-vous expliquer au tribunal les circonstances assez immédiates là, de la façon dont c'est survenu? Puis après, on pourra remonter un petit peu dans le temps. OK. Donc, les circonstances immédiates, c'est ça se passe vers midi. Pour moi, c'est l'heure du déjeuner. Je suis à retraite. Je me lève. Ça se peut, j'avais un peu consommé parce que là, j'ai retourné voir Sandra Cormier parce que toute cette situation-là me pousse à la consommation et j'ai un suivi actuellement avec ça. Et je reçois ce courriel-là dans mon salon. OK. Je vais juste vous interrompre une seconde. On va y revenir. Vous venez d'entrer dans votre problème de consommation. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes et de quel calibre à propos de consommation? J'ai déjà eu des sérieux problèmes de consommation et qui se sont terminés en 1983. C'est de la vieille histoire, là. L'histoire ancienne. Puis depuis ce temps-là, je suis retourné aux études, je me réhabilite, là, j'ai fait un cours d'ingénieur, j'ai été enseignant pendant 20 ans en électronique, puis ça a toujours bien été. Je me considérais réhabilité, mais toujours en maintenant dans des fraternités, là, puis avec de l'aide et du support, mais c'est pas ce que j'ai pu ressentir dans le drame présent, là, contemporain, là, puis c'est voilà. Alors, vous disiez donc à la cour que vous étiez levé vers midi et que vous avez peut-être consommé un petit peu d'alcool ou quelle quantité d'alcool vous avez consommé et quoi? Je consommais un peu en me levant, je consommais jamais pour perdre la carte, là, mais pour peut-être un peu comme endormir, peut-être deux bières. Et bon, il se passe quoi par la suite? Il se passe quoi? C'est que là, ce que j'ai pensé par la suite, c'est qu'il m'avait vraiment fait réagir parce qu'avant ça, Alain m'avait traité, puis pas juste lui, à de nombreuses reprises, M. le juge, de déséquilibré, assassin, puis ça allait. Là, ce que j'ai pensé, c'est que c'est mon frère Guy qui attaquait. Puis quand on attaque un de nos proches, on réagit plus vivement. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a été une impulsion. Il n'y a pas rien, il n'y a pas d'intention, c'est 15 secondes qu'on juge. OK. Quand vous dites que c'est votre frère Guy qui attaquait, vous faites référence à quoi? Mon frère Guy. Ou que Alain attaquait Guy. Oui, quand Alain écrit dans son courriel que Guy est rendu aussi déséquilibré que l'assassin de maman. OK. Ça, est-ce que c'est sur le même courriel qu'on a déposé à la cour? Oui, j'imagine. OK. Pouvez-vous me redonner le courriel? Hein? Je veux juste m'assurer. Hein? Merci. Alors là, je vous montre la pièce P2 qui a été déposée. J'attire votre attention à 12h53, 14 avril 2013. C'est à ça que vous faites référence? Exactement. Il est triste de voir que Guy est maintenant rendu aussi déséquilibré que l'assassin de mon mari. Là, ça m'a fait réagir davantage. Ça, c'est Alain qui écrit oui, ça? À qui écrit ça? À mon frère Guy. Ben, il parlait de... Il écrit ça à tout le monde. Il écrit ça à tout le monde, comme tout le temps. Moi, c'est tout le monde, toute la fratrie. Le mail est envoyé. Oui, souvent, de façon générale. Une liste qui n'est pas complète, là, on voit qu'il est envoyé à beaucoup de gens. Oui. Donc, vous prenez connaissance de ce courriel-là, vous, c'est ça? Vers quelle heure? Vers midi, midi et demi, là, l'heure qu'on peut voir. Ben, j'imagine après le courriel, c'est sûr. Là. Une heure, peut-être. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, c'est impulsif. Je réponds par l'absurde à partir de son raisonnement avec lequel j'avais à de nombreuses reprises tenté d'entrer en dialogue, en communication réelle avec Alain pour discuter des événements, puis particulièrement du 9-1-1, dont la Cour trouve que ça serait peut-être trop long d'entrer en détail, là, mais il y a beaucoup de choses qui partent de ça, du 9-1-1. Et de cette situation-là, j'aurais aimé toujours rechercher de parler dans un dialogue ouvertement, avec transparence entre Alain et mon frère, et c'était un blocus total fermé tout le temps. OK. Alors donc, après avoir lu ce courriel-là, vous faites quoi? Rien qu'un, ben, j'écris ça, j'écris, bon, ben, écoute, j'écris si j'ai assassiné mon mère, je vais aller taire. Bon, le reste est affreux, puis j'en suis pas fier. J'écris ça, puis ça reste un peu là, mais ça me revient. Puis là, j'écris un autre courriel. J'écris Alain, relis bien, parce que là, c'est vous allez trouver ça facétieux, mais je veux dire, relis bien le premier mot de mon courriel. Le tout premier mot de deux lettres de mon courriel. Qui était quoi? Qui était si. Si, j'ai assassiné maman, je vais aller faire le reste. OK. Quel était votre but quand vous avez écrit ça, ce courriel-là? C'est émotif. J'en ai pas de but, j'ai pas d'intention. Si j'avais un but là-dedans, ça serait celui de m'exprimer. Et d'exprimer quoi? Et d'exprimer par l'absurde que j'ai pas assassiné ma mère et que donc Alain est en sécurité chez eux, c'est sauveur. Qu'il n'y aura rien qui va se passer et qu'il n'a d'avance pas à s'inquiéter que j'aille assassiner ma mère. J'imagine que si lui croit que j'ai assassiné ma mère, il est déjà inquiet avant même que j'écrive mon courriel. J'ai aucune intention malveillante à son égard. D'ailleurs, dans ma déposition, j'ai dit, j'ai jamais été. Mais c'est le contraire. J'ai toujours essayé plutôt d'entrer en communication vraie, fraternelle avec Alain. Et selon vous, quel était le problème avec Alain? C'était quoi, là? C'était sa fermeture d'esprit. OK. À propos de quoi? À propos de comment il me perçoit. Les événements récents m'ont fait voir qu'il voyait quelqu'un qui ressemble à un monstre, là, parce que dans toutes les réunions, pendant que j'étais en Abitibi, les réunions familiales, à chaque année, au fait, ça se passait tout le temps normalement, là, respectueusement. Puis avec le 9-1-1 là, dont on a parlé, avec le décès de ma mère, avec les discussions d'héritage, là, on a vu peu à peu, là, on a vu, avec la déposition aux policiers en particulier, là, on a vu plus là, le ce que je suis dans son esprit. Ce que vous avez dit un mot, c'est ça? Bien, c'est peut-être exagéré, mais quelqu'un de déséquilibré, assassin, c'est ma vie selon lui, là, je pense, c'est ce qu'on peut voir, là. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire à la Cour? Que je suis vraiment désolé de... Si j'ai pu causer du tort, je m'en excuse très sincèrement. C'était vraiment pas mon propos. Moi, c'était de dire que... D'essayer de faire comprendre à Alain que ma mère, c'était la personne que j'aimais le plus au monde. que Alain, si Alain, si Alain était capable de comprendre ça, ben que moi, à ma façon, à moi, je levais ma mère, je suis allé la voir, je l'ai conforté qu'elle était une personne âgée. Puis ça m'a fait terriblement mal de faire traiter continuellement comme ça, d'assassin déséquilibré. Enfin, je n'ai pas d'autres questions. Ma collègue va vous poser des questions. Oui. Peut-être. Avez-vous des questions? Oui, j'en ai plus. Monsieur Pelletier, je vais avoir quelques questions pour vous. Oui. Pouvez-vous nous redécrire en détail, avec les heures, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là en vous réveillant? Vous dire en détail ce que j'ai fait ce jour-là. Oui, à quelle heure vous vous réveillez? Oh, midi, 11h midi. C'est là que je m'en levais. Vous avez dit, vous avez mentionné qu'habituellement, là, régulièrement, quand vous vous réveillez, vous buvez deux bières. Oui, c'était. Là, j'ai un suivi psychologique. J'essaie de contrôler ma consommation. Mais est-ce que c'est exact que régulièrement, à cette période-là, du moins, vous vous réveillez, vous buvez deux bières? Est-ce que c'était quelque chose de quotidien? Non, c'est pas quotidien. Est-ce que vous vous rappelez, ce jour-là, avoir bu deux bières, ou vous pensez que vous en avez peut-être bu deux à ce moment-là? Je peux pas dire assurément que j'ai bu deux bières cette journée-là. Okay. Vous avez mentionné avoir lu le courriel vers midi ou 13h, c'est exact? Oui, ben c'est approximativement exact. Vous avez aussi mentionné, vous avez fait un cours en ingénierie et vous avez enseigné l'électronique, c'est ça? Oui. Avez-vous déjà suivi des cours de traitement de texte? Pardon? Avez-vous déjà suivi des cours de traitement de texte? Non. Combien de doigts ou de mains utilisez-vous pour écrire sur l'ordinateur? Toutes mes doigts. Toutes vos doigts. Est-ce que vous considérez que vous tapez rapidement? Oui. Okay. À partir du moment où vous écrivez ce message-là, est-ce que vous vous relisez pour corriger vos erreurs, votre grammaticale, vocabulaire, avant de l'envoyer? Bien, je vous remercie de votre question parce que j'ai seulement, non seulement je regarde ça, mais je pensais à un moment donné l'avoir effacé. J'ai regardé ça, puis il était parti. Donc, est-ce que vous avez relu votre courriel pour le corriger vos fautes? Non. Non, non, non, non, c'était pas officiel avec des autorités ou... Donc, c'était spontané, là. Tout de suite, vous lisez le courriel, vous êtes enragé, vous répondez. C'est exact? Oui. OK. Donc, vous ne prenez pas le temps de réfléchir, là. C'est spontané. Tout à fait. Vous avez mentionné que, bon, par la suite, là, vous avez écrit un autre courriel. Cet autre courriel que vous avez écrit, est-ce qu'entre-temps, vous avez reçu une réponse? Avant l'autre courriel? Est-ce que quelqu'un vous avait répondu? Non. Et qu'est-ce que vous, chez vous, vous avez fait là, entre 14h06 et 14h22? Probablement sur l'ordinateur. C'est à peu près ce que je fais. Sur l'ordinateur, je regarde mes courriels, je joue des jeux. Vous changez les idées, là, un petit peu. Oui. Vous faites autre chose. Oui. Vous avez mentionné que dans votre deuxième courriel, vous disiez à votre frère, là, relis le premier courriel, là, surtout le premier mot. C'est ce que vous avez dit. Bien, dans mon esprit, là, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce deuxième courriel. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, relis surtout le premier mot? Pourquoi le premier mot? Parce que le premier mot, il exprime toute la conditionnalité de la phrase au complet. Okay. Si. Fait que ça veut dire que là, on est basé ici là, avec des allégations que j'ai assassiné ma mère. C'est un peu ça. Là. Donc, vous nous dites que je ne l'ai pas assassiné ma mère. Vous vouliez que votre frère. Pardon? Là, ce que vous nous dites, en envoyant le deuxième courriel, vous vouliez que votre frère relise surtout là, la partie conditionnelle de votre message. Le si. C'est ben ce que vous dites. Oui, à mes yeux, il devenait important, là, mais tout ça, c'était parti. Okay. Je vais vous montrer le courriel en question. La fin de votre deuxième courriel à 14h22. Ici, est-ce que c'est exact de dire « Je termine en te disant, l'impelletier, de sérieusement te méfier de moi avec tes allégations criminelles. Relis attentivement ma toute récente réponse à tes propos méchants. » Oui. Est-ce que vous faites référence au premier mot? Non, je fais référence à des jurisprudences parce que j'avais déjà envoyé une mise en demeure d'arrêter ces choses-là au mois de janvier avec... Que je ne dis pas de mes vieux. De vous avez des notes, là, je ne veux pas voir vos notes. Bon, si vous permettez, M. le juge, mon client est contre-interrogé et il veut référer un document qu'il a dans le cadre de. Attendez une seconde, monsieur. je comprends que monsieur parle attendez, de... Attendez une seconde, monsieur. Oui, est-ce que je peux juste non, le chercher? Non, attendez. Okay. Attendez, oui. Ah, comme je vous disais, mon client veut référer un document dans la réponse qu'il donne à ma collègue pour être certain de ce dont il parle, des dates et du contenu. Ah. Je pense qu'elle doit ça. C'est suscité par la question de ma collègue. Répétez la question. La question était, est-ce que c'est exact que vous avez mentionné ça? Et là, je lui demande, donc, vous ne disiez pas avoir fait référence à la première, au premier mot, mais bien à l'ensemble du document. Non, et là, monsieur me dit qu'il veut de la jurisprudence. Je vais permettre la question, là, pour l'instant, on ne sort pas du email. Oui. Parfait. Allez. Merci. Donc, où est-ce que vous voyez ça, vous, dans le dernier paragraphe, que vous faites référence au premier mot de votre courriel? Mais je ne le vois pas dans le dernier paragraphe. Vous n'en parlez pas, là, de faire référence seulement au premier mot, là. Relis attentivement ma toute récente, j'aurais pu dire toute ma récente réponse. Bon, voilà, donc vous faites référence à toute la, tout le courriel précédent. Ben oui. Bon. Monsieur Pelletier, vous vous rappelez avoir rencontré les policiers? Ah oui, mettez ça que je m'en souviens. Bon, est-ce que c'est exact de dire que ça s'est passé la journée même? Oui. Est-ce que c'est exact de dire que ça s'est passé en soirée? Oui. Que c'est exact de dire qu'il est environ 22 heures le soir quand vous les avez rencontrés? Quand ils m'ont quitté. De mémoire, c'est plus vers 8 heures qu'ils sont arrivés, puis ça a duré environ 2 heures. Vers 8 heures. Mais c'est possible. OK, donc vous en rappelez. Oui. Est-ce que c'est exact que vous avez mentionné aux policiers, en expliquant les menaces en question, que vous avez voulu répandre le feu par le feu? Non, c'est pas tout à fait exact, madame. Ça, c'est des... Ben, attendez. C'est en preuve. Je comprends. C'est en preuve. Effectivement. OK. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est en preuve. C'est déposé, c'est pas contredit. Il n'a pas expliqué ça d'une façon différente. C'est en preuve. Mais monsieur est en train de l'expliquer d'une façon différente. Ben, c'est vous, là. Mais là, si vous ouvrez la porte pour faire atténuer ce qu'il a dit là. Mais. Je comprends votre intervention, monsieur le juge, mais. La question est posée. Ben oui, la question est posée, il va le faire, mais là, maître, je ne sais pas où vous en allez avec ça. Là, c'est, vous n'allez pas comment faire votre travail, là, mais c'est en preuve. Effectivement. Allez. Monsieur est en train de nous dire aujourd'hui d'autres choses que son intention n'était pas celle-là. Allez. Oui. Monsieur le juge, on fait référence à le feu par le feu, c'est une question dont je me souviens qui m'avait été suggérée. C'est une réponse qui m'avait été suggérée par les policiers. Puis moi, je disais oui, je me souviens en particulier d'avoir été, je vous dirais, encore plus, beaucoup plus stressé même que je le suis ici, là, ce soir-là, quand les policiers sont venus en amis, on va aller jaser avec toi, puis ils sont arrivés, puis ils m'ont dit, bon, mais tout ce qui a été mis un peu qu'on a laissé de côté, là, mais la façon dont ils sont arrivés, puis moi, toujours sous serment ici, on m'a pas dit que le droit de garder silence. On m'a dit même le contraire, que si je parlais, ça allait, la procureure de la couronne allait me connaître davantage et qu'à ce moment-là, probablement, laisser tomber les procédures. C'est ce qui m'a été dit. Bon, maintenant, j'ai une question pour vous. Je comprends que la déclaration a été admise comme étant libre et volontaire. Là, la question se pose plus ici, monsieur le juge. Ma question, je comprends que vous l'avez signée, cette déclaration-là? Oui. Bon, elle vous a été relue, vous l'avez relue? Non. Vous l'avez jamais relu? Non, ils m'ont dit, tu signes ici, signe là, puis moi, ils m'ont lu. À la fin, oui, ils ont commencé à lire, est-ce que c'est ça? Le début, le premier paragraphe, j'ai dit, non, j'ai dit, j'ai pas proféré des menaces, il y a allégation de proférer des menaces. Là, j'ai mis des paraphes. Mais là, vous me dites que vous l'avez jamais relu, cette déclaration-là? Oui, je l'ai relu par la suite. Vous l'avez relu? Oui. OK, par la suite, mais avant de la relire, vous l'avez tout de même signée, la déclaration? Tout à fait. Et là, vous me dites que les policiers vous ont menacé cette journée-là? Non, pas menacé. Est-ce qu'il était intimidant? Non, il était super gentil avec moi. Vous vous êtes senti obligé de faire cette déclaration-là? Oui. Vous avez jamais... Non, je ne me suis pas senti obligé de faire cette déclaration-là. Il n'était même pas que ça, faire une déclaration. Il y avait un dialogue dans mon esprit. Puis à la fin, un des deux policiers, qui parlait moins un peu, j'ai compris pourquoi, parce qu'il écrivait, m'a demandé si vous voulez signer ça ici. Mais là, est-ce qu'il y avait un sentiment d'oppression pendant cette déclaration-là? Ou vous vous sentiez obligé de parler? Non? Ah oui, ben oui, je me sentais utile à parler parce qu'on m'a dit... Est-ce que vous sentiez oppressé? C'est ça ma question. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait de la pression sur vous pour remplir cette déclaration-là? Je n'avais pas mes doigts, madame, à ce moment-là. Je vous demande si vous sentiez qu'il y avait de la pression sur vous. Je me sentais très stressé. Bon, vous vous sentiez stressé, mais est-ce qu'il y avait de la pression sur vous? Est-ce qu'on vous forçait? On m'a dit, si tu parles, ça va t'aider, il n'y aura pas de cause qui va se passer, parce que si tu ne parles pas, il ne te connaîtra pas, ça va être de l'inconnu, puis c'est sûr que tu vas aller en cours. Monsieur le juge, j'aurai pas d'autres questions. Il y a eu des admissions. J'ai pas d'autres questions. Parfait. Merci, monsieur. Merci. Votre papa. Je vous écoute, maître. La couronne doit prouver hors de tout doute, premièrement, l'actus reus. Et par la suite, évidemment, la mens rea. Je m'arrête quelques secondes de l'actus reus. Pouvez-vous me donner la déclaration, le courriel de menace? Oui. Merci. Et la jurisprudence est claire, M. le juge, évidemment, que des menaces conditionnelles sont des menaces. Ça n'empêche pas une condition. Sauf que, ici, quand on lit le message, c'est pas une condition. Ça dit « si j'ai assassiné ma mère ». On fait donc référence à un événement où tous les interlocuteurs savent que ce n'est pas le cas, évidemment. Mon client a passé rapidement là-dessus, mais il parle de traiter ça par l'absurde. Et je pense que le courriel doit être lu et bien. Mais je reviens sur ce que vous dites. Et son frère le traite d'assassin. Oui. Pourquoi vous dites pense que c'est pas le cas? Il le traite d'assassin. Oui. Mais le client répond si j'ai assassiné ma mère. Oui. Alors, je vais parce faire... qu'il le traite d'assassin, c'est pour ça qu'il commence comme ça. Oui. OK. Mais ce que je vous dis, c'est que dans l'actus reus, ça ne constitue pas une menace parce qu'il dit « si j'ai assassiné ma mère, si on complète sa pensée et je n'ai pas assassiné ma mère, on ferme la parenthèse, je vais aller régler ton cas directement à Saint-Sauveur et le reste. Si j'ai assassiné ma mère. » C'est dis. Comme si... Merci. C'est comme s'il avait dit, tout simplement, je n'irai pas t'assassiner. Non, mais il répond ça à quelqu'un qui le traite d'assassin. Oui. Mais... Donc, il prétend, avec son fondement, écoutez ça, c'est oh, oui, non, pas correct. Mais il le traite d'assassin, il prétend qu'il est un assassin. Oui. Alors, lui, il répond, alors, si je suis un assassin, comme tu le prétends. Non, non, oui. Du tout. Non, mais c'est un peu ça que vous me dites. Ah, ben non. Vous me dites, mais non, mais c'est si que j'ai là. Assassiné ma mère, donc si j'étais un assassin. Oui. Bon. Oui. OK. Alors, si je suis un assassin, je vais aller régler ton cas. Comme je ne suis pas un assassin, je n'irai pas régler ton cas. Je comprends votre remarque. Si mon client disait, vu que tu me traites d'assassin, ben moi, je vais agir comme un assassin. Et aller te tuer et violer ta femme. C'est pas ça, là, les mots. Hein? Il faut le prendre dans le contexte où c'est dit. Premièrement, on a un contexte où monsieur est hyper émotif. On sait son manque d'équilibre à cette époque-là qui est souligné par un petit peu tout le monde de la famille, indirectement par le témoignage d'Alain. Et là, il réagit émotivement à un courriel qu'il vient de recevoir, puis il dit « Si j'ai assassiné ma mère, moi, je pense qu'il remet très bien en perspective le fait qu'il commence par dire « ça n'arrivera pas ce qui va se passer parce que je n'ai pas assassiné ma mère ». Moi, je le mets au niveau de l'actus reus. Je ne vous parle même pas de la mens rea à ce moment-là, c'est autre chose dans son témoignage. Moi, quant à moi, la couronne ne s'est pas déchargée de son fardeau, hors de tout doute raisonnable, de vous démontrer que ce texte-là, en soi, était une menace. Et, encore une fois, je ne vous plaide pas que c'est une menace où il y a une condition. C'est des mots lourds de sens qui pourraient paraître des menaces, mais il y manque une condition essentielle pour que ce soit des menaces, à savoir qu'il ait assassiné sa mère. Pas que ça lui a été dit qu'il ait assassiné sa mère, mais qu'il ait assassiné sa mère. Alors, il commence en disant « si j'ai assassiné ma mère ». Mon Dieu, il ne l'a pas assassiné. Alors, il ne va pas aller régler son cas directement à Saint-Sauveur. Non, mais c'est ça que je reviens à ce que je vous dis. C'est que les personnes à qui il s'adresse, parce que ça, c'est important, comme vous savez, les personnes ou la personne à qui il s'adresse à la personne qui le traite d'assassin. Ben oui. Ben, c'est ça. Mais la personne qui le traite d'assassin sait qu'il n'est pas un assassin. Alors, en quelque part, quand il dit ça, là, il lui dit, « Si j'étais un assassin, j'irais te régler ton cas. » Savez-vous à quoi ça me fait penser? Je n'ai pas la décision, mais je l'ai lu. Un paraplégique qui est dans une chaise roulante, qui est à peu près haut comme ça, qui dit à une personne qui est là, « Je vais te tuer, puis je vais te donner une tape sur sa margoulette. » Okay? La cour a décidé que dans la situation, comme ça lui était impossible, que ça ne pouvait pas être son intention d'aller frapper la personne. Je fais un certain parallèle avec ça. C'est vrai que son frère le traite d'assassin, ce qui le fait réagir émotivement, puis il vous dit même, en plus, en interrogatoire, que ce qui le fait le plus réagir, c'est pas tellement d'avoir été traité d'assassin, mais de voir que son frère Guy est embarqué dans ce courriel-là, parce que Alain, dans le fond, c'est un courriel à Guy qu'il adresse, en disant, t'es comme l'autre, un déséquilibré, l'assassin de ma mère. Alors, le client réagit à ça. Moi, je vois vraiment que le l'actus reus là-dedans n'est pas complété. Maintenant, il y a un fort heureusement dans cet article. Alors, les paroles ne visent pas à intimider, selon vous? Ben non. Ils visent à quoi? Ben, savez-vous, c'est un petit peu dommage, mais... C'est pas votre fardeau, là. Non. Je vous pose la question quand même. Je le sais. Mais en quelque part, là, ce que j'essayais d'établir ici, et ça n'a peut-être pas établi à 100%, mais vous pouvez peut-être le déduire de l'ensemble du dossier. Mon client, là, qui se fait écœurer depuis je ne sais pas combien de temps, se fait harceler, parce que c'est du harcèlement se faire traiter d'assassin et de ci et de ça, dans le fond, c'est un cri d'aide continuellement qu'il envoie à son frère. Et vous l'avez dit, il veut communiquer avec lui, il veut que son frère change son attitude. C'est un cri d'aide. Et comme il se fait traiter d'assassin, est-ce que vous ne trouvez pas que de dire « Je vais te montrer, toi, qu'est-ce que c'est que se faire dire des paroles qui ne sont pas vraies, comment ça peut affecter quelqu'un? » Alors moi, je pense que c'est un petit peu ça. C'est sûr que il n'est pas question pour moi de chercher à vous démontrer que mon client n'était pas pour aller l'assassiner et n'était pas pour aller violer madame. C'est clair, je n'ai pas besoin de faire ça en jurisprudence. C'est clair. C'est même pas pertinent. Mais en quelque part, le but pour lequel il l'a fait, ça, est-ce que c'est pas d'attirer son attention et de dire, regarde, tu me blesses en me traitant ça, tu me blesses en traitant mon frère de ça. Voici ce que ça donne, des paroles lourdes, ça blesse les gens. Évidemment, en jurisprudence, il est aussi clair qu'il faut que les paroles soit prise au sérieux. Il faut que la personne qui prononce ces paroles-là ait l'intention que ces paroles soient prises au sérieux. Pensez-vous vraiment, après avoir vu mon client témoigner, que quand il a dit ces choses écrites-là, ces phrases écrites-là, il avait l'intention que ce soit pris au sérieux? Mais bien au contraire, si on replace tout dans le contexte familial avec la fratrie, Tout le monde le sait, ce juge qui n'ira jamais assassiner une telle. Tout le monde le sait que c'est un monsieur qui est hyper émotif. Il n'y a personne qui n'a jamais pris ces paroles-là au sérieux, sauf Alain Pelletier, qui a décidé, lui, de se servir de ce moyen-là pour régler le cas de son frère, à qui il en veut énormément, c'est ce que je tentais de démontrer, à qui il en veut énormément, parce que selon lui, il a assassiné sa mère. C'est ça qui fait Alain Pelletier, et c'est pour ça que je cherchais à attaquer sa crédibilité. Alors, si je conclue, par exemple, que la personne envers qui l'accusé a prononcé les menaces n'était pas effrayée, vous pensez qu'à cause de ça, ça doit mener à un acquittement? Non. Du tout. C'est un facteur qui est pris en considération. Si vous aviez dit oui, je pense que c'est une erreur. Parce que le fait qu'il ne soit pas effrayé, C'est pas un critère. Dans certains arrêts, c'est pertinent, mais c'est pas ça qu'il y a avec un prolongé. Avec, comme vous l'avez lu, là, ça a évolué là, avec les années. Là. Voilà. Aujourd'hui, écoute, la personne n'a même pas à être, même si la personne à qui les menaces étaient destinées, n'a même pas à être informée de ça. même pas avoir la connaissance que les menaces lui étaient destinées. Effectivement. Sauf que, où ça a été pris en considération, je vous donne l'exemple. Dans un des dossiers, je ne sais pas si c'est O'Brien, si je me souviens bien. Ben, dans O'Brien, notamment. Alors, la femme est venue témoigner, puis elle dit, écoutez, c'est le niveau de communication que mon mari a. Écoutez, les menaces étaient tutelaires. Les menaces, je vais les tuer, tu ne feras pas avorter, tu n'avorteras pas de l'enfant quand je vais sortir. Écoutez, les menaces, là, ça ne pouvait pas être plus clair que ça. Il était acquitté, hein? Puis c'était maintenu. La Cour suprême a maintenu l'acquittement. Et, entre autres, a été pris en considération, justement, le fait que la femme vienne dire, ben, écoutez, c'est sa façon de communiquer. Donc, elle n'a jamais pris ses menaces au sérieux, puis ce qu'elle disait indirectement, puis ce que la Cour déduisait, c'est que monsieur, quand il disait ça, il n'était pas vraiment sérieux. C'est ça un petit peu, là, aussi. Mais c'est pas... C'est ça que vous essayez de prétendre ici, qu'il n'était pas... J'essaie de tirer à gauche et à droite, M. le juge, en même temps, et c'est jamais... Mais écoutez, je vais vous dire, là, je suis une personne transparente, là. Cette cause-là, là, ce n'est que de la tristesse, là. Quand j'entends ça, là, le premier commentaire que j'ai, là, j'entends le portrait familial, là. C'est pas le premier, mais le premier sentiment, c'est un sentiment de tristesse. Je trouve ça triste à mourir, leur histoire. Mais oui. Mais c'est pas ça que j'ai décidé. Non, non, je le sais. Je le sais, mais en quelque part, vous avez à décider. La jurisprudence est aussi claire. Vous devez prendre le contexte dans lequel, et là, c'est au niveau de l'intention, l'analyse, quand vous tentez de déterminer... Le contexte, maître, puis je veux pas vous arrêter, mais le contexte joue pas nécessairement en votre faveur. Regardez ça. Le contexte, général joue en votre faveur au niveau de la sympathie, oui. Okay. De la sympathie dans la mesure où l'état d'esprit de votre client et son histoire et tout ça, oui. Mais au niveau de ce qui le gouverne quand il écrit, sa peine, sa frustration, ça joue pas en votre faveur. Puis quand vous me demandez de regarder le contexte, oui, je vais le regarder. Mais vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. Puis je sais ce qu'elle va me plaider. Elle va me dire, écoutez, là, il est triste, il est enragé, il veut répondre à ça parce qu'il est tanné. Alors, vu qu'il est tanné de se faire insulter, bien là, il va en rajouter lui-même. Tu sais, c'est ça qu'elle va me dire. Bien, évidemment, j'aurais plaidé la même chose à la couronne. Ben oui. Sauf que c'est elle qui a le fardeau hors de tout doute raisonnable sur l'intention. Il ne faut pas oublier la mens rea sur l'intention de mon client. Et moi, ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas cette preuve hors de tout doute raisonnable sur l'intention. Oui, ce que la couronne va vous plaider, je vous dis pas que c'est un argument farfelu, mais vous avez quand même à analyser, à ce moment-là, la force de cet argument-là. Mon client vous a dit que son intention n'était pas d'intimider, c'était par l'absurde, monsieur le juge. Et là-dessus, je le crois. Et quand je vous parle du contexte, je vais juste vous laisser finir de prendre vos notes, c'est important. Je disais, je vais vous laisser finir. Oui, c'est important. Quand je vous parlais du contexte, monsieur le juge, là, je vous parle de l'échange de courriel que M. Pelletier a appelé de négatif, où on voit que lui-même reconnaît qu'il était en quelque sorte abusif dans ses courriels. Il a été méchant. C'est clair. Ça, c'est clair. Là. OK, bon. C'est clair, là. Il n'y a pas de bémol là-dessus, là. Ben, si on a... C'est effrayant ce qu'ils s'écrivent, ces gens-là, là. C'est ça, le contexte. Vous pouvez pas prendre ce que mon client a dit, puis le séparer de ça. Ces gens-là sont tous rendus à un niveau élevé de confrontation. Alain Pelletier, quand il traite encore répétitivement mon client d'assassin, là, vous pouvez pas faire autrement que de dire « Oui, il jette de l'huile sur le feu. » Il jette de l'huile continuellement sur le feu. Ça, je vais vous dire, je le pense. Bon, à partir du moment où vous pensez ça, vous serez d'accord avec moi, M. le juge? Je le pense qu'il fait... Alors, si... Est-ce il que... Fait, il fait pas en sorte d'éteindre le feu, là, ça, c'est clair. Non, en fait, il rajoute. C'est clair. Là. Il rajoute, il cherche quelque chose, là. Hein? Puis... Mais ce que je veux vous dire, c'est que si une personne qui n'a rien à faire dans un conflit, puis reçoit. Il sait que votre client a probablement du gaz après-branche. Bien, il sait. Il est venu témoigner. Il sait que c'est un déséquilibré. Puis il a des problèmes d'ordre mental. Il traite d'assassin. Le pire, là, c'est que je pense là, qu'on voit tout. Tout le monde voit, puis je suis convaincu, c'est le cas de votre... On voit toute la cause de la même façon, là. C'est clair, là. Quand je vous dis que c'est d'une tristesse absolue, là, c'est que c'est des gens qui se craignent mutuellement, s'insultent, puis là, à un moment donné, ils s'étonnent que quelqu'un réponde de façon aussi violente ou d'une façon aussi bizarre que... C'est ça. Aussi que celle que la réponse de votre client. Vous savez, si mon client avait envoyé un message texte de la même nature à une personne innocente, à quelqu'un qui n'a pas contribué à cette escalade de courriel, je vous plaiderais pas la même chose. Mais là, il est clair... Oui, mais j'ai un critère d'une personne raisonnable que je veux évaluer. Oui. Ça, vous le savez. Oui. Parce qu'une personne raisonnable aurait pensé que ces paroles-là constituaient une menace. Oui, mais... Il faut que je me pose cette question-là. Oui, mais quand une personne raisonnable, une fois que ces supposées menaces-là sont remises dans le contexte, à savoir des courriels quasiment haineux de la part d'Alain Pelletier, et sérieusement aussi, là, M. Pelletier qui est ému, qui vient, je parle d'Alain Pelletier, qui est ému, qui vient pleurer devant vous, alors que c'est lui qui a lancé l'huile sur le feu, je trouve ça particulier. C'est un dossier qui ne devrait même pas être devant la cour, avec respect quant à moi. Voyons donc. J'ai un client de 60 ans, monsieur le juge, qui n'a aucun antécédent judiciaire, qui a rien, qui est blanc comme neige, qui est amené ici par un frère avec qui il a un conflit, et son frère, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il l'agresse verbalement avec des propos, et lui est obligé de se payer un avocat, être traîné en cour pour avoir dit des mots où, avec respect, je pense qu'ils peuvent être interprétés de différentes façons et où il a été amené. Moi, je pense, M. le juge, que personnellement, je pense qu'il n'y a pas de preuve hors de tout doute, ni sur l'actus reus, c'est certainement pas sur le mens rea. Je vous suggère de quitter mon client, M. le juge. On peut peut-être vous déposer quelques décisions que ma collègue a, pour le comité. Mais écoutez, oui, sans les plaider, on va juste les déposer. Ça va. Je vais vous déposer, M. le juge, la décision O'Brien. Et j'ai highlighté les passages pertinents où on parle que les paroles doivent être considérées dans le contexte dans lequel elles ont été dites. Et je crois que le cœur de la question ici aujourd'hui est le contexte dans lequel ces paroles-là ont été dites. Alors, je vais vous donner... Donnez-moi deux petites secondes. Je vais aller dans les papiers. Les deux, ça vous intéresse? Non. Non. On a les deux côtés, comment? Alors, Larry O'Brien, pour ma concert. Oui. Et je vous donne également que cette décision-là a été confirmée par la Cour suprême. Je vais également vous donner une copie, sans vous la plaider, d'une vieille décision qui a précédé Clemente, qui est DECO, qui parle de l'état d'esprit dans lequel... Les paroles sont dites. Dans ce cas-ci, c'était des menaces à des policiers. J'ai Clemente, mais je ne vous la déposerai pas, M. le juge. Je l'ai très bien résumé dans les décisions, en fait, pas dans DECO, mais dans O'Brien. Et je vais vous déposer également, on a fait une recherche, M. le juge, au niveau de la jurisprudence pour ce qui est de déterminer la mens rea, l'intention criminelle lorsque des paroles, des menaces sont déposées. Et ça s'est tiré de Cournoyer-Ouimet. Et c'est il y a une liste de toutes les jurisprudences, dont McCray, Clemente, ouais, O'Brien... McCray a été renversé à la Cour suprême, puis ça apparaît pas dans le... Ah oui, récemment? Si je ne me trompe pas, là. Ça vient d'être en... On ne parle pas de McCraw, hein, on parle de McCree. McCree 2013, c'est dans le tunnel, vous avez la référence. Oui, ça a été renversé à cause de... Ben, écoutez, là, j'ai dit ça, là, de mémoire, mais, c'est la là, mais je vais vérifier. Ah, OK, vous l'avez résumé, la cause. Oh, oui. Ah, ça va. Parce que là, c'est parce que je pensais que vous faisiez référence à la décision de la Cour suprême. Pas McGraw, je parle non, de McCree. C'est la Cour suprême. Parfait. Ça, OK. C'est la décision de la Cour suprême déposée. Je pensais que vous déposiez la décision de la Cour d'appel. Non, ça, c'est dans O'Brien. Je vous ai déposé Parfait. Et la Cour d'appel et la Cour Parfait, suprême. Parfait, merci. J'ai Clémenté aussi, M. le juge, tant qu'à y être. On n'aura pas fait des copies pour nous. Et comme je vous dis, j'ai highlighté tous les passages pertinents. Merci beaucoup. Bye. Oui, donc, M. le juge, j'ai bien peu de choses à dire, puisque merci beaucoup, vous avez fait un travail dans ma plaidoirie, mon confrère aussi. Au niveau des menaces... Non, mais j'aime ça frapper où ça fait mal. Vous faites bien, très bien ça, M. le juge. Non, mais c'est comme ça que ça permet de on ne peut pas reprocher après au tribunal de ne pas avoir... parce que c'est la question à litige, c'est ça sur quoi on a échangé. Là. Effectivement. On le sait tous. Là. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Très peu, en fait, M. le juge, la lecture du courriel au niveau des menaces, vous avez fait référence à la personne raisonnable, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres façons de comprendre les menaces qui ont été dites? Si j'ai assassiné ma mère, je vais régler ton cas directement à Saint-Sauveur, t'as assassiné toi-même, violé ta femme devant tes enfants. Tiens, tes portes bien barrées et engage de la sécurité. Ce sont des paroles très claires. Et la menace ne s'arrête pas là, M. le juge, elle se poursuit dans le courriel suivant, là, à la toute fin. Où monsieur termine en disant de sérieusement se méfier de lui avec ses allégations criminelles, de relire attentivement sa toute récente réponse. On a une menace là, qui s'échelonne sur deux courriels, monsieur le juge. Au niveau de l'intention de l'accusé, encore une fois, je serai très brève. On comprend que par la suite, là, les seules autres déclarations de l'accusé qu'on a eues, c'est directement au policier le soir même, soit plusieurs heures après l'échange de courriel, où vous retrouverez là, à la ligne 25, l'accusé répond. J'ai cru, je suis conscient que cela aurait des répercussions chez eux à Saint-Sauveur. L'accusé était conscient des répercussions que ça a causées et voulait causer ces répercussions. Son but, c'était d'intimider monsieur et sa famille, de créer une réaction. Et contrairement à mon confrère qui considère que le contexte de cette chicane-là tend à miser l'intention de monsieur, au contraire, monsieur le juge, moi, je vous soumets que tout le contexte vient renforcer l'intention de monsieur. De vouloir jeter des pierres à son frère, de renforcer là, sa position en disant c'est tout, je vais m'en prendre à toi, je suis tellement tannée que tu t'en prennes à moi que c'est à mon tour de m'en prendre à toi. reviens ici le 20 octobre. Ah non, c'est ça. SS2.0. Oui. Maître Adèle, vous avez un dossier au 05, le 20, non? Le 20, je suis au 05. Je peux avoir des dossiers partout. Le 20 octobre. Je suis est-ce qu'il est à la, le SS202? Mais je me rendrai disponible sur le juge dans n'importe quelle salle, alors que vous nous avez été présent. C'est ça. OK. Merci. Oui, vous êtes là, SS202. Bon, alors, je vais. Vous, est-ce que vous êtes dans une salle en particulier? Ce jour-là, non, monsieur le juge, je suis dans aucune salle. Je suis aux urgences en haut, mais je pourrais descendre à son champ. Vous, maître? On est disponible, monsieur le juge, le 20, ça va? Des deux? Oui, bien. Ou des deux? Oui, des deux. Alors, je vais le fixer en salle 02, puis moi, je suis dans une... Ce que je veux pas le fixer en salle jeunesse, là. Puis je viendrai en 02. Là. Ça se fait pas en salle jeunesse? Je suis pas au courant de ça, moi. Il y a la protection de la jeunesse habituellement, ouais, pas, la je vais le fixer en salle 02, puis je vais monter. Je vais faire l'appel du rôle, puis je viendrai rendre la décision à ce moment-là. Alors, monsieur Petit, avancez-vous une seconde. Alors, je vais y penser, je vais rendre ma décision le 20 en salle RC02 pour pas qu'il y ait de confusion. On va le fixer en salle RC02 et je monterai en analyse. Votre présence est requise à cette heure. Silence, veuillez vous lever.